Les bleuets fortins du 555 d'Aquin secteur Mistassini font partie du paysage depuis quelques générations. En cette période de l'année, le bleuet, emblématique de la région, est synonyme de fête. Bleuet fortin du secteur de Mistassini est générateur d'emplois chez nous. Une entreprise qui est la couleur même de la place. Le bleuet fait partie de la tradition et par ricochet, bleuet fortin aussi. Bleuet fortin du secteur de Mistassini vous invite à participer en grand nombre au Festival du Bleuet qui se déroule en fin de semaine à Dolbeau, Mistassini. Chez Dolbeau Auto, venez célébrer les 100 ans de camions Chevrolet avec le Silverado 1500 2018 à cabine double à 176 $ aux deux semaines au taux de 1,5% ou le Colorado 2018 à cabine multiplace et à caisse courte à 183 $ aux deux semaines ou 1,9% au taux de location pendant 48 mois. Dolbeau Auto, 1770 boulevard Wahlberg, au numéro de téléphone 418-276-0580. Monsieur Stéphane Fortin et tout son personnel souhaitent un bon festival du Bleuet à toute la population de Dolbeau-Mistassini et invitent les gens à participer du même coup à ce grand festival. Et félicitations aux organisateurs. Le propriétaire du magasin. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Le timing était jamais bon, mais on va faire un peu le bilan des Québécois qui évoluent dans le baseball affilié. Et on en parle avec Jacques Lancier. Bonjour Jacques. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Et du baseball majeur, il ne faut pas oublier, parce qu'on en a deux, Vladimir Guerrero et Russell Martin. Effectivement. Donc, Jacques, si on parlait d'abord avec Vladimir qui frappe de mieux en mieux, hein? Oui, il va fort bien. Au mois de juillet, il a maintenu une moyenne de 277. Donc, ouais. c'est supérieur à sa moyenne depuis le début de la saison. Mais au cours des derniers matchs, il produit vraiment, vraiment bien. Là. Peut-être que finalement, les Blue Jays ont réussi à l'entourer convenablement pour que son talent éclore, dans le fond. Ah, regarde, quand j'écoutais Roger dire qu'il était pas prêt puis il était décevant, je suis pas prêt à dire ça. T'sais. Le gars, écoute, il y a 20 ans, le gars joue dans une organisation perdante. On l'a mal entouré. Écoute, il est pas arrivé dans des conditions faciles, là. Non, effectivement, il est pas. Je pense que Roger avait quand même raison à ce moment-là. Il allait vraiment pas bien. Puis un séjour d'un mineur, ça aurait peut-être été bon, mais il s'est retrouvé par lui-même. Puis quelques matchs après, là, il a produit deux fois de suite 4 points. Là, fait que c'est quand même fort bien pour lui. Puis c'est sûr que les Blue Jays ils ont pas une grosse équipe, donc c'est difficile de ressortir au sein de cette équipe-là. Mais il y a quand même, une bonne saison pareil. Là. Il frappe avec puissance, puis c'est sûr que c'est prometteur pour l'avenir. Bon, OK. Russell Martin. Russell, il en arrache au bâton par les temps qui courent, mais il continue d'être, je pense, un joueur apprécié au niveau des Dodgers de Los Angeles. Il est devenu, la semaine dernière ou il y a deux semaines, le premier joueur de l'histoire des Dodgers à jouer trois positions dans la même saison quand ils l'ont utilisé au troisième but. Assez étonnant, ils l'ont fait lancer deux fois. Il a une fiche parfaite comme lanceur. Comme receveur, il est toujours aussi bon receveur défensif. C'est au niveau de l'attaque où c'est un petit peu plus difficile. Sa moyenne est en bas de 220. C'est en bas de sa moyenne en carrière. Mais il faut dire que Russell, il prend de l'âge aussi. Là. Mm-hmm. Il est à sa dernière année de son contrat avec les Dodgers, qui avait signé avec les Blue Jays au départ. Je ne sais pas s'il sera de retour l'année prochaine ou s'il va commencer une carrière comme entraîneur. Parce que c'est sa dernière année, hein, je pense, de contrat. Hein? Oui, c'est sa dernière année de contrat. Moi, je pense que c'est sa dernière année. Ben, il pourrait aider une équipe, mais pas une équipe championne l'an prochain, mais c'est sûr que ça va être pour beaucoup moins de dollars que cette année. Bah, regarde, ça fait 2 ans qu'il frappe même pas pour des. Ben, il a frappé même pas pour 200 l'an dernier. Fait que, tu sais, je sais pas, j'ai hâte de. Peut-être une invitation qu'un entraînement, mais je pense que ça sent pas mal la fin pour Russell. Ah oui, ça sent la fin, mais je pense sincèrement que c'est un gars qui va se recycler tout de suite dans la job de coach. Ah ouais, écoute, c'est un futur gérant dans le baseball majeur, ça là. Il va peut-être commencer dans. Oui, effectivement, lui puis Luke Carlin, qu'on parle pas souvent. Ouais. Qui a eu 14 saisons dans les mineurs puis quelques matchs dans les majeurs. Il est entraîneur-chef dans l'organisation des Indiens de Cleveland puis il monte rapidement. Ah oui? Ah oui, ça sera pas long qu'on va le voir. Cette année, il est dans le offre. Ça sera pas long qu'il va pointer là, avec l'organisation des Engines. Ça fait 4 ans, je pense, qu'il est entraîneur. Il a commencé au niveau recrue, puis il monte année après année, mais comme entraîneur-chef. Fait que c'est assez intéressant. OK. Ben écoute, ça va être intéressant à voir. Parle-moi maintenant de ceux qui sont dans le 3. Est-ce que Jason Terrien a recommencé à lancer? Non, Jason Terrien est toujours sur la liste des joueurs blessés des Dodgers d'Oklahoma dans la Ligue 3A ouais. du Pacifique. Je sais pas si Jason a lancé au camp d'entraînement des Dodgers au printemps, mais en tout cas, avec l'équipe 3A, il y a pas un lancé depuis le début de la saison. Il est sur la liste des blessés toujours. Je suis pas vraiment capable d'avoir d'informations à son sujet. Jason ne répond pas à mes courriels. En tout cas, c'est décevant un peu, mais je suspecte que sa blessure n'est pas tout à fait guérie. C'est un gars que, il y a 2 ans, Jason, il collaborait bien avec moi. J'ai fait une couple d'entrevues avec, je comprends pas, peut-être que... Mais tu sais, deux ans absent du baseball, tu sais, des Jason Terrien en masse, hein? Oui, c'est ça. C'est un gaucher. Ça va être difficile de revenir. Ça va être de revenir. Derek Aucoin va bien, lui, par contre. Derek Aucoin. Pas Derek Aucoin, excusez, Philippe Aumont, excuse-moi. Oh. Philippe Aumont, ah oui, il va super bien. Excusez. Il a établi un record de la Ligue Can-Am avec 18 retraits sur des prises dans un match. Ça, c'est 2 par manche. Ouais. C'est vraiment impressionnant. Hier, parce qu'actuellement, il n'est plus dans la Ligue Can-Am, il est avec l'équipe du Canada aux Jeux panaméricains. Hier, il a remporté la victoire. Il a lancé seulement 6 manches parce que on veut le garder pour les prochains matchs. Il a blanchi ses adversaires pendant les 6 manches. Le Canada a gagné 10-0. Il y a 3 autres Québécois qui sont avec l'équipe. Jonathan Mahalot, qui est sorti de sa retraite pour rejoindre l'équipe. Édouard Julien, ce qui est assez surprenant, mais ce qui pourrait être intéressant. Puis aussi, Leroux, Chris Leroux, qui est un joueur qui est né au Québec, mais qui n'a jamais joué au Québec, là, dans plusieurs équipes des Ligues majeures, mais il est à la retraite depuis 4 ans. C'est à fait une drôle d'équipe. En tout cas, je l'y suis pareil parce que c'est intéressant. Les Jeux panaméricains, c'est quand même important pour la qualification pour les Jeux olympiques. Là. OK. Dis-moi, on va parler de nos deux gars qui sont dans le double A, Charles Leblanc et également Abraham Toro Hernandez. Ouais. Abraham Toro, c'est incroyable. C'est un joueur. Je suis surpris qu'Abraham Toro n'est même pas dans le top 100 des prospects. Tu sais, parce que je regardais, parce que l'MB Pipeline, je ne sais pas si c'est quoi ce site-là. Là. C'est le... ouais, moi, je l'ai vu hier, il était 6e. Des Astros, mais pas 6e. Ah, des Astros, ok, c'est ça. Mais, okay. mais dans le top 100. Je ne comprends pas vraiment parce que le gars, il est quand même dominant au niveau du A. Il est seulement à sa 2e saison, sa 4e saison dans le baseball professionnel. Actuellement, il frappe pour 2,99. Il a 16 circuits, 68 points produits. Il est en tête des producteurs de points dans le 2A. C'est impressionnant. Hier soir, il a été tout simplement exceptionnel. Là. Il a frappé 2 circuits, 1 double, produit 4 points. En ses 3 derniers matchs, il a perdu 2 fois 4 points. C'est quelque chose d'impressionnant. Il a 22 doubles, 4 triples, puis 5. Il est pas vieux, là. Moi, je suis abasourdi qu'il est pas dans le, top 100, là. Non, c'est assez surprenant, mais je me fie pas trop à ces tops-là parce que c'est variable en mots. Ouais. C'est bizarre. En tout cas, c'est un joueur, d'après moi, il devrait finir la saison avec les Astros. Je pense qu'il va changer. Peut-être demain, c'est la date limite des échanges, peut-être. Oui, mais tout ce que je lis dans les journaux de l'organisation des Astros, c'est qu'ils comptent sur lui. Récemment, les Astros, je crois, ils ont changé leur joueur de premier but. Peut-être c'est pour faire de la place pour Abraham, parce qu'il peut jouer aux 2 positions. Il joue au 3e but, puis au 1er but. Mais un joueur comme ça, c'est de l'or en barre. Ben oui, des deux côtés du marbre, il y en a de moins en moins des frappeurs ambidex. Là. Ah, c'est ça, puis il est aussi très polyvalent, puis fiable en défensive, fiable en attaque. C'est un joueur qui produit, donc il peut être la bougie d'allumage dans à peu près tous les domaines du baseball. Là, fait, je pense pas qu'ils vont s'en débarrasser, mais j'espère qu'ils vont le monter au moins au mois de septembre pour lui donner une coupe de match. Là. Mais si on se souvient bien, au printemps, il a joué dans pratiquement tous les matchs de la Ligue des Pamplemousses. Là, on dit que l'équipe a été dominant. En début de saison, il a connu un petit passage à vide, mais c'est normal, ben, c'est un peu normal. Ouais. Il venait de finir dans la Ligue des Pamplemousses avec la grosse équipe. Il se retrouve dans le 2A, même s'il s'y attendait. Je pense que, veut pas, un humain, là, il y a eu une baisse, mais ça n'a pas duré longtemps parce qu'il est remonté rapidement. Il a été nommé deux fois le joueur de la semaine dans la Ligue du Texas. Et il connaît une saison exceptionnelle. Là, on ne peut pas dire autrement. Genre qu'ensuite de ça, Charles Leblanc. Charles Leblanc, il a commencé très fort. Oui. À Charles, la différence de Taureau, il est moins spectaculaire et on voit moins à tous les matchs là, des performances de 4 points produits, des choses comme ça, mais il est quand même régulier. Il frappe pour 274, il a 12 doubles, 3 triples, 3 circuits, il a 38 points produits, il a une très bonne saison. Le problème avec Charles, ça a toujours été le côté défensif. Ouais. J'ai vu qu'on l'a mis au premier but. Oui, maintenant il joue au premier but depuis un bon bout de temps, et puis ça fait une coupe de jeu spectaculaire quand je le vois réaliser au premier but. Finalement, les Rangers de Saragosse ont peut-être trouvé une position pour Charles Leblanc, mais il connaît une excellente saison. Là. C'est sûr que quand on compare à Taureau, parce que c'est dans le même circuit, puis ils ont à peu près la même fiche là en termes de présence, mais Taureau, c'est parce qu'il est spectaculaire, c'est la différence. Mais il y a un autre Québécois qui fait très bien, c'est Otto Lopez. Oui. Puis il est même sorti du top... Encore, je reviens du top 100, là. Il est sorti, puis il est même sorti du top 30 des Blue Jays. Je comprends pas, là. Il est vraiment impressionnant. Ouais. C'est un joueur qui est né en République dominicaine. Il vit de Montréal. Oui, c'est ça. Il a joué à Montréal au niveau Pee-Wee Bantam là, quelques années. Puis il est retourné en République dominicaine. Ça lui a permis de signer un contrat sans être repêché avec les Blue Jays. Aujourd'hui, il frappe pour 301. Puis lui, il a été toute la saison là, aux alentours de 300. Il monte à 300. C'est un joueur rapide, incroyable. Il a 16 buts volés. Il a 4 circuits, mais il a des petits problèmes en défensive. Il est au troisième but. Ils l'ont à la réco. Actuellement, il est à la réco. Je pense qu'il y a une vingtaine d'erreurs en défensive, mais il est dans le niveau A. Là. Il va s'améliorer. Mais un frappeur comme ça, je pense que ça il devrait monter assez régulièrement. Là, je lui ai parlé au mois de juin, Otto Lopez. Il s'exprime assez bien en français. De ces joueurs-là qui arrivent de République dominicaine et qui ont... Ils ont été à l'école en français au Québec, puis ils parlent comme nous, on n'a aucun problème à se comprendre. OK. Benjamin Pelletier. C'est moins bon. C'est une saison difficile. Il ne frappe pas pour 200, il frappe pour 186. Après avoir dominé là, au niveau de la Ligue. C'est le même calibre que Lansing, Coteau Lopez, c'est ça? Oui, c'est le même circuit. Oui, c'est ça, bon. OK. Mais il en arrache. Là. Il fait gagner son équipe assez régulièrement. Moi, depuis quelques semaines, je surveille très rapidement lui, comme je surveillais Lacroix, parce que je me dis qu'avec des moyennes comme ça, après le repêchage, il y a des nouveaux joueurs qui ont été repêchés qui arrivent, ça peut leur coûter leur emploi. Dans le cas de Lacroix, ça l'a coûté son emploi, il a été remercié cette semaine. Mais Lacroix, ben, tout comme Pelletier d'ailleurs, c'est des joueurs qui sont encore éligibles à jouer dans la Ligue de baseball junior élite du Québec. Lacroix devrait être de retour avec les Orioles de Montréal là, sous peu. Il attend sa libération de Baseball Canada. Qu'il irait avec les Capitals, si tu vois. Hein? Moi aussi, j'ai pensé ça à un moment donné, mais je sais pas, les Capitals ne donnent pas souvent la chance aux Québécois depuis quelques années. Il faut que les Québécois aient fait leur preuve pour que ça mène avec les Capitals. Contrairement aux Aigles de Trois-Rivières qui leur donnent plus de chance, je pense. OK. On va faire une pause. Je vais te parler du garçon de Mark Griffin. Jacques, tu as écrit l'autre fois, parce que Harry Griffin, c'est le frère, c'est le garçon de Mark Griffin, puis je veux avoir tes opinions là-dessus. Vous êtes à l'écoute d'une entrevue avec Jacques Lanceur sur les ondes de danradiosport.com. Les Bleuets Fontaine du 555 Dequin secteur Mistassini font partie du paysage depuis quelques générations. En cette période de l'année, le Bleuet, emblématique de la région, est synonyme de fête. Bleuets Fontaine du secteur de Mistassini est générateur d'emplois chez nous. Une entreprise qui est la couleur même de la place. Le Bleuet fait partie de la tradition et par ricochet, Bleuet Fortin aussi. Bleuet Fortin du secteur de Mississauga vous invite à participer en grand nombre au Festival du Bleuet qui se déroule en fin de semaine. Chez Dolbeau Auto, venez célébrer les 100 ans de camions Chevrolet avec le Silverado 1500 2018 à cabine double à 176 $ aux deux semaines au taux de 1,5% ou le Colorado 2018 à cabine multiplace et à caisse courte à 183 $ aux deux semaines ou 1,9% au taux de location pendant 48 mois. Dolbeau Auto, 1770 Boulevard Wahlberg, au numéro de téléphone 418-276-0580. Monsieur Stéphane Fortin et tout son personnel souhaitent un bon festival du Bleuet à toute la population de Dolbeau-Mistassini et invite les gens à participer du même coup à ce grand festival. Et félicitations aux organisateurs. Le propriétaire du magasin. On va parler avec Jacques Lanceau. On a fait le tour des principaux joueurs dans le baseball affilié. Là, je l'ai gardé pour un deuxième volet parce que le garçon de Mark Griffin, je l'ai appris l'autre jour, Harry Griffin, 18 ans. J'ai parlé avec Mark l'autre jour par texto, on va y en parler prochainement. Sauf qu'il semble avoir un certain potentiel également. Jacques, parle-moi du garçon de Mark Griffin, Harry. C'est un très bon joueur de baseball. OK. Il a fait sa marque au niveau Midget 3A, puis dans les niveaux Bantam ici, en remportant, en se signalant régulièrement. Ouais. Aujourd'hui, il va poursuivre ses études en Alberta pour la simple et bonne raison que ça ouvre la porte plus facilement au collège américain et okay. aux universités américaines quand on suit le programme ailleurs qu'au Québec. Au Québec, avec le cégep, ayant un système d'éducation différent, c'est plus difficile pour les Québécois d'obtenir 4 années d'admissibilité dans la NCAA. Tandis qu'en passant par l'Alberta, c'est peut-être plus facile. Il a participé récemment à un tournoi avec sa nouvelle équipe de l'Alberta. Et c'est une équipe de Okotok, c'est assez difficile à prononcer. Et il a été fulgurant. Il a frappé beaucoup de coups sûrs. Il est excessivement rapide sur les stances. Marc me dit que c'est j'ai demandé à Marc, parce que Marc était rapide aussi. Marc, je l'ai toujours comparé à Brett Butler. Je sais pas si tu t'appelles Brett Butler, là. C'est à peu près le même style. Mais Marc, il dit que c'est un joueur de deuxième but puis d'arrêt court. Tu peux pas comparer. Ouais. C'est ça. Il joue au deuxième but actuellement. Il a été spectaculaire au deuxième but. Il a été spectaculaire au bâton et spectaculaire sur les buts. Donc, ça annonce bien. Mais pour le moment, il y a pas d'entente avec aucun collège ou université américaine. Mais avec sa session d'automne, où ils vont jouer beaucoup de matchs contre des collèges américains du nord des États-Unis. Donc, il va peut-être se faire remarquer, il va peut-être être sélectionné pour poursuivre sa carrière dans les collèges américains. Okay. Ça peut être très intéressant. Ça peut être intéressant. C'est un beau projet. Je vais parler à Marc vendredi parce qu'on va probablement faire le tour des échanges dans le baseball, puis je vais y en parler de son garçon. Et son garçon n'est pas tout seul en Alberta. Il est okay. aussi avec Simon Lusignan. Oui, Simon Lusignan, ça fait longtemps qu'on entend parler de lui. C'est un lanceur qui, à 14 ans, lançait à 90 000 $. Il a joué pour l'ABC jusqu'à la fin du mois de juillet. Il fait partie de l'équipe nationale junior du Canada. Et lui-ci s'en va avec la même organisation en Alberta que Griffin. Et les deux ensemble, lui, il est déjà sous contrat pour dans 2 ans dans une université américaine de division 1 de la NCAA. C'est une université quand même assez prestigieuse que je vois. C'est toi. Thierry Bauer qui a lancé dans la même université? Je me souviens pas mais c'est sûr que c'est une université de premier niveau. Là. Puis signer un joueur 3 ans avant qu'il soit éligible, là, c'est assez rare. Là. Il n'y en a pas eu beaucoup. Là. Okay. Donc, Simon Lusignan, il est prometteur. Mais c'est sûr, avec l'équipe nationale junior, ça lui donne une visibilité incroyable partout au Canada. Effectivement. Jacques, toujours intéressant de te parler. Un gros merci. On va se reparler de façon plus régulière d'ici la fin de la saison. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Jacques Lanceau, qui collabore à jacqueslanceau.com pour connaître le rendement des Québécois dans le baseball affilié.